Allez, loup-garou. Attends, je te le fais, attends. Hurlant sur la lune, montrons aux crocs d'argent les loups-garous protégeront la nature, leur mère, du ver corrupteur. Je rigole aussi.